fait, c'est pas une histoire. C'est les maisons comme ça, il y en a deux là à proximité, mais il y avait vraiment le garde forestier qui était là et qui surveillait et qui vivait là à l'année. Ah, mais il devait avoir froid en hiver. Non, et l'autre, je suis en train de me dire, est-ce qu'elle est... Elle est plus habitée depuis combien de temps? Il n'y a peut-être pas 10 ans qu'elle est plus habitée. Bah oui, donc c'est plus que si elle a abandonné. Maintenant, oui, mais enfin, ça appartient quand même à l'ONF. Donc, c'est quoi l'ONF? C'est l'Office national de la forêt de... Ouais, de la forêt, quoi. National de la forêt et voilà, du territoire domanial, là, de Duperche. Et là, est-ce qu'ils peuvent encore l'habiter? Oui, ils pourraient. Ils pourraient en remettant des carreaux, en réhabilitant un petit peu tout, en apportant l'eau courante. La maison que nous habitons, donc qui est à 500 mètres, c'est une des plus vieilles maisons du coin. Donc la maison, elle date de 1540, une partie, et après 1640 pour le reste, à 100 ans presque. À peu près au combien du 17e. 17e. Et c'est des maisons qui sont sympas, mais l'eau, en fait, n'est apportée dans la maison qu'il y a 18 ans. Sinon, c'était au puits. Et l'électricité, peu de temps avant, dans les années... 80 ? Non. Ouais, peut-être, non. Oui, peut-être. Tu me dis que les années 80, peut-être bien les années 80. Ça a été très, très tardif. Oui, bah, tu sais, c'est les mêmes mots qu'on trouve un peu partout quand il y a des endroits abandonnés.